Actu, débat, culture, idées, musique. Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Bonjour et bienvenue sur Fadjet, vous êtes bien à l'écoute d'Europe Roll, votre émission préférée sur l'actualité européenne. Comprendre et décrypter ce qui se passe autour de nous, le tout en musique et dans la bonne humeur bien évidemment. Voilà l'objectif de notre émission, diffusée, on ne le rappellera jamais assez, le dimanche à 13h et le lundi à 17h30, mais également disponible en podcast. Pour ça, un seul site, un seul réflexe, encore.fm. L'actualité de la semaine dernière a toujours été chargée, comme souvent dans l'Union Européenne, mais elle a été surtout marquée par un scandale, celui des Pandora Papers. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Premier ministre tchèque, par exemple, était dans le viseur de ces révélations du Consortium International de Journalistes. Pour cela, toute la rédaction d'Europe Roll est mobilisée cette semaine. Dans un instant, on entendra Léandra, mais aussi Eliès, Angelina, Cécile, Paul ou encore Tara. En bref, tous les chroniqueurs sont sur le pont pour vous décrypter les enjeux de ces Pandora Papers, mais plus largement les questions de finances et aussi les questions fiscales de l'Union Européenne. Et pour ça, on va commencer tout d'abord par un petit tour d'horizon de l'actualité européenne, évidemment, de cette semaine. On va commencer avec le journal. Salut Eliès, une première question qui se pose dans l'actualité européenne de cette semaine. Qui formera le gouvernement en République tchèque? C'est une nouvelle question que tous les Européens se posent 4 jours après les élections législatives. C'est l'alliance de centre-droit SPOLU qui est arrivée en tête. Le président Miloš Zeman, qui doit désigner le candidat appelé à former le nouvel gouvernement, est toujours hospitalisé. La courte défaite électorale d'Anos, le parti populiste du Premier ministre sortant Andrej Babiš, aurait des répercussions sur le pays et sur l'Europe. Le scrutin tchèque montrant la défaite des populistes et des eurosceptiques en Europe de l'Est devrait donner un coup de fouet aux oppositions en Pologne et en Hongrie. En effet, le Premier ministre Andrej Babiš, qui avait misé sur le soutien de Viktor Orban, a perdu, ce qui pourrait susciter un espoir pour les oppositions démocratiques polonaises et hongroises. Le Premier ministre Andrej Babiš qui était visé par les Pandora Papers, et on en reparlera tout à l'heure. On part au sommet à Kiev sur de potentielles nouvelles adhésions au sein de l'Union Européenne, mais un résultat toujours aussi flou. Les dirigeants européens semblent mettre un peu de temps à se décider. Lors du sommet Union Européenne-Ukraine, mardi à Kiev, aucune perspective d'adhésion claire n'a été donnée au pays par Bruxelles. Cependant, les deux parties ont néanmoins signé un accord portant sur la création d'un espace aérien commun, favorable aux voyageurs et aux investisseurs. Cette mesure semble être un gage de prospérité et de rapprochement entre l'Union Européenne et l'Ukraine, avec le développement du marché aérien dans le pays. La Pologne qui franchit un nouveau pas dans ses relations plus que tendues avec l'Union Européenne, mais on observe une fracture entre ce que pensent les dirigeants et ce que souhaite une partie du peuple polonais. Ce week-end, dans toute la Pologne, de nombreuses manifestations ont eu lieu afin de protester contre le jugement rendu la semaine passée par la Cour constitutionnelle du pays, celle-ci ayant arrêté que le droit de l'Union Européenne était en partie incompatible avec la constitution polonaise. D'aucuns évoquent le scénario du Polexit. La presse évoque la portée des manifestations et remet l'avenir de la Pologne en question dans l'Union. Cette question est plus en plus étayée par une mobilisation insuffisante, notamment selon le journal allemand Deutschlandfunk, à Donald Tusk, et un manque de positionnement de l'opposition polonaise concernant sa vision de l'Union européenne. La Pologne, plus largement quant à elle, pour continuer à vouloir être dans l'Union européenne, devra combattre ses propres démons, comme l'immigration. On reste dans la catégorie des relations tendues avec l'Union européenne et on part, vous l'aurez deviné, au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique menace de suspendre unilatéralement le protocole post-Brexit sur l'Irlande du Nord et a averti que le recours à l'article 16 pourrait être le seul moyen de modifier l'accord du Brexit avec l'Irlande du Nord. L'Union européenne pourrait riposter. Le protocole nord-irlandais servait à préserver la libre circulation des marchandises et des personnes entre la province britannique qu'est l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui elle est toujours membre de l'Union européenne. Il laisse l'Irlande du Nord dans le marché unique des biens de l'Union européenne. Il n'y a donc pas de frontières dures avec douane. De plus, un statut particulier est renforcé par le fait qu'il existe une asymétrie, car les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance du Royaume-Uni sont désormais soumises à des vérifications et à des contrôles. Et on finit ce journal avec la démission surprise du chancelier autrichien Sébastien Kurz. Si Sébastien Kurz, visé par une enquête pour corruption, avait d'abord refusé de démissionner, il s'est finalement résolu à le faire samedi en guise de successeur intérimaire. Il a proposé son ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, membre de son propre parti et perçu par Der Standard comme une marionnette. Il a toutefois indiqué vouloir rester chef de file de l'EVP. Les commentateurs ne croient pas à ce nouveau départ pour le pays, comme les Verts qui craignent déjà son retour avec l'arrivée d'un nouveau triomphe pour l'EVP. Merci beaucoup Elias pour ce journal européen. On va faire une petite pause musicale dans cette émission avant de parler plus précisément des Pandora Papers, mais aussi de Tony Blair, on en parlera tout à l'heure, pourquoi on va aborder le sujet de son portrait. Léandra, tu nous as préparé une première petite pause musicale. Voilà, donc certains artistes indignés par les affaires de corruption ont décidé de les illustrer. C'est ce qu'a fait par exemple le groupe de rock britannique les Rolling Stones avec son titre « Undercover of the Night ». les Rolling Stones sur Europe & Roll. Merci Léandra pour cette pause musicale et merci Elias pour le journal tout à l'heure. Ça tombait bien que tu aies abordé le sujet des Pandora Papers parce qu'on va maintenant voir un peu plus en détail de quoi il s'agit et surtout ce que ça veut dire pour l'Europe. Paul, je crois que c'est toi qui vas nous en parler dans la première chronique de cette émission. Eh oui, c'est bien moi. Merci Lucas et bonjour à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pandora Papers, ce scandale qui fait écho aux Panama Papers et aux Paradise Papers et qui montre l'étendue de la fraude fiscale à l'échelle internationale. Les Pandora Papers, ce sont presque 12 millions de documents qui ont fuité après le long travail d'investigation d'un consortium de journalistes et qui mettent en cause des milliers de personnalités politiques, publiques et même religieuses pour évasion fiscale. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir profité d'un système qui leur permettait de cacher leur argent et leurs actifs financiers dans des sociétés secrètes et donc évidemment peu, voire pas imposables. Et il ne s'agit pas de seulement quelques milliers d'euros, on parle de billions de dollars. C'est vraiment une somme gigantesque qui évidemment interroge sur la probité des élus. En effet, ce scandale concerne pas moins de 35 dirigeants, actuels ou passés, des dizaines de ministres des Finances, comme Dominique Strauss-Kahn, pour rester chauvin, mais aussi un grand nombre de milliardaires qui souhaitent accroître encore un peu plus leur fortune. Mais plus qu'une lubie d'un petit nombre de milliardaires, c'est surtout toute une organisation financière qui prive les gouvernements de 600 milliards de taxes par an, et qui finit donc par retomber sur le contribuable, soit sous la forme de services publics de moindre qualité, soit à travers des hausses d'impôts. Mais alors Paul, pour l'Europe, qu'en est-il, que signifient ces Pandora Papers? Ah, je vois que tu sais me remettre sur le droit chemin. Eh bien, pour l'Europe, le bilan n'est pas glorieux non plus. D'autant que nombre de personnalités politiques impliquées dans cette affaire se disaient ouvertement anti-élite et déterminées à lutter contre la corruption. Je pense notamment à Andrei Babiš, Premier ministre de la République tchèque, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, et Nikos Anastasiades, président chypriote. Si vous me permettez l'expression, ça la fout mal. Au niveau de l'Union européenne, peu de hauts fonctionnaires sont mis en cause. Mais comme on le verra plus tard dans cette émission, les affaires de corruption ne sont pas étrangères à la Commission européenne, puisque les lobbyistes deviennent bien souvent commissaires et inversement. Pour finir cette chronique, je m'autoriserai une petite digression, mais ne vous inquiétez pas, elle reste dans le thème de la corruption. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, politicien qui a dirigé la France pendant 5 ans, et qui vient d'être condamné à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Alors qu'on peinait à imaginer le président de la République mis en examen à l'époque de Charles de Gaulle, on s'habituerait presque aujourd'hui à de telles affaires impliquant les plus hauts représentants de l'État. Chose de l'époque ou fatalité du pouvoir? La réponse dans une future émission, peut-être. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci à toi, Paul, pour cette analyse très précise des Pandora Papers et de leur influence sur l'Europe. On reste toujours dans le thème, évidemment, des Pandora Papers. Et une personnalité qui est un petit peu... qu'on n'aurait pas soupçonné, peut-être, d'avoir été attaquée par ces Pandora Papers. Maintenant, Tara, qui as-tu choisi de nous présenter aujourd'hui pour cette émission? Tony Blair, et plus précisément Anthony Charles Linton Blair. Quel nom sur British, n'est-ce pas, Tara? En effet. Mais qui est cet homme, concrètement? Ce Tony Blair est un homme d'État britannique. Membre du Parti travailliste, il est Premier ministre du Royaume-Uni du 2 mai 1997 au 27 juin 2007. Les points marquants de son mandat? D'abord, sa politique étrangère. En effet, il a engagé son pays dans 5 conflits en 6 ans. En Irak en 1998, au Kosovo en 1999, en Sierra Leone en 2000, en Afghanistan en 2001, puis de nouveau l'Irak en 2003. Bon, ça c'est du côté des affaires étrangères. Mais un autre aspect marquant de ce mandat, c'est qu'il a modifié en profondeur le Parti travailliste, avec l'adoption, par le parti dominant de la gauche britannique, d'un programme adhérant pleinement aux valeurs du libéralisme économique, ce qui n'était pas vraiment un courant de pensée qu'on attribue à la gauche. Karl Marx se retournerait dans sa tombe. Ça c'est bien sûr. Mais pourquoi parler de Tony Blair alors qu'il n'est plus réellement présent depuis la fin de son mandat sur la scène politique? Pourquoi, quel lien avec les Pandora Papers finalement? Bah, c'est parce que lui et son épouse, Cherie Blair, sont tous les deux éclaboussés par le scandale des Pandora Papers. Je vais tout vous raconter du début. Tout commence en 2017 quand l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont acquis un immeuble de bureau en achetant une société offshore dans les îles Vierges qui appartenait à un ministre Bahreïni, propriétaire des lieux. D'après le consortium international des journalistes d'investigation, en prenant le contrôle de cette société plutôt que d'acheter le bâtiment lui-même, les Blair ont bénéficié d'un arrangement juridique qui leur a évité de payer plus de 400 000 dollars d'impôts fonciers en Angleterre. Officiellement, donc, l'immeuble ne changeait pas de propriétaire, permettant au couple Blair d'échapper aux frais normalement réclamés pour toute vente de biens immobiliers sur le sol britannique. Cependant, cette transaction n'est pas illégale. On peut donc se demander pourquoi cette révélation qui a fait tant polémique chez nous, chez nos amis d'Outre-Manche, pose-t-elle tant problème ? Tout simplement parce que Tony Blair a précédemment fait campagne en faveur d'une augmentation des impôts pour les plus aisés et contre les techniques échappatoires fiscales. Effectivement, quelque chose qui manque un peu de cohérence. Merci beaucoup Tara pour ce portrait de Tony Blair et pour ce lien avec les Pandora Papers. Voilà pour ces deux analyses des Pandora Papers et de leur impact sur l'Union Européenne. Une analyse plutôt politique par Paul et une analyse plutôt personnelle par Tara. Merci à tous les deux. On va rester justement dans le thème de l'évasion fiscale et finalement de l'escroquerie. Il me semble, Léandra, que tu nous as trouvé une petite musique qui finalement fait pas mal écho à cette affaire d'évasion fiscale. C'est bien ça. Donc qui dit corruption dit indignation par la suite, que cela se passe dans les films ou dans la vie réelle. Dans le film produit par Netflix, La Casa de Papel, un homme mystérieux planifie le meilleur braquage jamais réalisé et utilise comme champ de ralliement un ancien chant de révolte italien, Bella Ciao, interprété ici par Manu Pilas. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano. Partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire lassù in montagna, oh vela ciao. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Toujours un plaisir d'entendre Bella Ciao sur Europe & Roll et notamment avec cette superbe série qu'est La Casa de Papel. Eh bien, on va donc rester dans tout ce qui touche aux finances, évidemment, à l'évasion fiscale. Et franchement, j'en passe, je pense. Cécile, tu voulais faire une chronique sur la fiscalité des États membres de l'Union européenne. Oui, salut Lucas, chers amis et auditeurs. Comment vont vos finances ? Trop direct peut-être comme entrée en matière, et c'est pourtant la question que l'on peut poser aujourd'hui aux pays européens, au regard du porte-monnaie de certains dirigeants qui semblent tenir la forme. Mais quel lien entre Union européenne et fiscalité ? Ah, je vous vois déjà frétiller d'impatience à l'idée de répondre à cette question. Alors allons-y. Lucas, à ton avis, qu'est-ce que l'Union européenne a à voir avec la fiscalité de ses États membres ? Alors là, très honnêtement, tu me poses une colle. Oh, mais la réponse était pourtant facile, rien du tout. Super. Du moins en théorie. Je m'explique, on peut partager la politique fiscale européenne entre fiscalité directe et indirecte. La première, c'est une compétence exclusive des États membres, qui choisissent leur politique fiscale et donc, par exemple, de lutter contre l'évasion fiscale. Et ça, Tony Blair l'a bien compris. La deuxième, la fiscalité indirecte, concerne la libre circulation des biens et services, l'idée étant d'éviter que la fiscalité fasse obstacle à la bonne concurrence. Mais Cécile, si l'Union européenne n'intervient pas dans la politique fiscale des États, pourquoi cette chronique finalement ? Déjà, je te remercie de ta passion toujours dévorante pour nos interventions. Vraiment, ça fait chaud au cœur, je te l'assure. Avec plaisir. Ensuite, et pour répondre à ta question, en réalité, l'Union européenne est loin d'être indifférente à la fiscalité et à ce qu'en font les États membres. Comme je te l'ai déjà dit, une harmonisation paraît primordiale pour le bon fonctionnement économique de l'Union, par exemple du marché unique et des plans de relance, encore plus quand on voit la perte représentée par les paradis fiscaux et les avantages tirés des différences de fiscalité. L'UE va effectivement dans le sens de l'harmonisation depuis plusieurs décennies maintenant. Pour vous la faire courte, on peut citer par exemple le groupe de politique fiscale qui avait été établi en 1996 afin d'examiner stratégiquement les questions de politique fiscale et qui avait joué un rôle important dans l'adoption du fameux paquet fiscal à la fin des années 90. Puis plus tard, en 2012, la Commission européenne avait par ailleurs présenté un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, avec une trentaine de mesures. Et vu l'actualité qu'on a abordée dans cette émission, j'imagine qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de l'évasion fiscale. Ah, tu l'as dit, Jamy. Nous sommes par exemple au début de la phase 2021-2027 du programme Fiscalis, un programme à échelle européenne qui vise à élaborer de grands systèmes informatisés et des réseaux interpersonnels dans le but de lutter contre la fraude fiscale et faciliter l'échange d'informations et de savoir-faire partout en Europe. Ce programme, à près de 270 millions d'euros de budget, s'inscrit totalement dans la logique de lutte collective contre la fraude fiscale et d'harmonisation des politiques fiscales à échelle européenne. En conclusion, Lucas, tu vois bien qu'on est loin du désintéressement et de la délégation totale des politiques fiscales de la part de l'Union européenne. On va dire que j'ai un peu menti par omission au début de cette chronique. En réalité, les enjeux sont gros, les bilans des scandales sont lourds et l'UE est engagée sur un long chemin de lutte et d'harmonisation qui promet d'être houleux dans les prochaines années. Et on sera bien évidemment là pour suivre tout ça, n'est-ce pas Lucas ? Mais évidemment, European Roll est toujours à votre service pour suivre l'actualité européenne. Merci beaucoup Cécile pour cette explication de la fiscalité des États de l'Union européenne. Ça, c'est et on va finir cette émission avec un autre sujet qui toujours lié aux Pandora Papers, à la question des fiscalités. On parle bien évidemment des lobbies. Je pense qu'Angelina, tu as pas mal de choses à nous dire à ce sujet. Eh oui, parce que l'union et les lobbies, c'est toute une histoire, mais nous on va commencer par en faire une chronique. Avant tout, il est important lorsqu'il est question de lobbies d'établir directement une distinction. Il ne faut pas confondre les lobbies avec des machines à corruption. La différence existe, bien que la ligne entre les deux puisse paraître à certains moments très fine. Il nous faut donc partir sur des bases solides pour aborder le sujet. Et quoi de plus solide qu'une belle définition directement issue du lexique de la Commission européenne ? Les lobbies y sont définis comme les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne. Dans le langage commun, on nomme aussi les lobbies des groupes d'intérêt ou parfois des groupes de pression. Mais alors Angelina, pourquoi est-ce qu'on donne une définition aussi précise des groupes des lobbies ? Eh bien, c'est parce que la pratique de lobbying est aussi active que institutionnalisée dans les différents lieux de pouvoir européens. Ainsi, en 2018, on recensait plus de 11 901 groupes d'intérêt pour le Parlement européen et la Commission européenne. Et Transparency International estimait à environ 26 500 le nombre de lobbyistes à Bruxelles. Mais comment ce beau petit monde peut-il bien s'organiser ? Comme souvent à Bruxelles, l'organisation est assez complexe. On distingue en particulier les groupes de pression permanents qui sont employés par des entreprises. On a en particulier le groupe de pression Europatate, représentant les intérêts de producteurs de patates. On a aussi, en un peu moins sympathique, l'American Chamber of Commerce, qui représente un collectif d'entreprises telles que Disney, Pfizer ou Mars. Il existe également des cabinets d'avocats qui cherchent à orienter la rédaction des lois. Les think tanks jouent également un rôle primordial dans la mesure où ils informent souvent les commissaires ou participent à donner des expertises qui sont souvent orientées. Or, c'est à partir de ces expertises que les décisions sont prises. On a par exemple le think tank au nom amical de Friends of Europe. Il existe en outre les cabinets de défense de produits qui peuvent être employés directement par les firmes. Bon, ça fait tout un beau monde à Bruxelles, ça fait tout un beau monde dans le monde merveilleux des lobbies. Mais en fait, comment est-ce qu'ils font pour influencer ? Eh bien, tout repose, comme souvent, Lucas, sur les relations. Bruxelles et les institutions européennes offrent beaucoup d'opportunités de discussion. Le tout est de trouver la bonne personne à qui s'adresser, ainsi que le bon moment. Bien évidemment, les eurodéputés et les fonctionnaires de la Commission sont particulièrement prisés par les lobbyistes. Et est-ce que ça ne devrait pas un petit peu nous faire peur quand même tout ça, de voir que les eurodéputés sont tellement sous pression par les lobbyistes ? Mais non, pas d'inquiétude. Le lobbying est une pratique encadrée. En particulier, on note le registre de transparence comme texte fondateur de cette réglementation. Depuis 1995, les groupes d'intérêt sont invités à s'enregistrer dans ce registre. Les membres de ce registre s'engagent à respecter ce que l'on appelle le code de conduite commun. Cette mesure n'était cependant pas suffisante. Ainsi, en 2014, un nouvel effort a été réalisé par la commission Juncker. Les eurodéputés et fonctionnaires de la commission sont depuis tenus de déclarer les diverses réunions auxquelles ils participent avec des groupes d'intérêt et ne peuvent déclarer que des réunions avec des groupes d'intérêt enregistrés. Bon, tout ça nous paraît très beau, très bien réglementé, très transparent, mais j'imagine qu'il y a aussi certaines zones un peu floues et que tout n'est pas si beau et si parfait que le présente la Commission européenne. Eh oui, la question des groupes de pression dans l'Union européenne reste pleine de zones d'ombre. Cependant, il faut noter qu'un effort de transparence se réalise peu à peu à Bruxelles et à Strasbourg. Aller dans ce sens ne peut que favoriser la reconstruction de la confiance entre les citoyens européens et leurs institutions, et à European Roll, on aime ça. Effectivement, merci beaucoup Angelina pour cette superbe chronique sur les lobbying. On va bientôt terminer cette émission. Merci beaucoup Cécile et Angelina pour ces analyses très précises. C'est la fin du coup de cette émission sur la fiscalité européenne et sur les Pandora Papers. Toute la rédaction d'European Roll espère que vous avez passé un bon moment, malgré le thème pas toujours facile, on l'avoue. Il y a deux semaines on parlait de sécurité, aujourd'hui on parle de fiscalité. Mais n'empêche que c'est intéressant et il me semble, Léandra, que tu voulais terminer cette émission avec une note un peu plutôt positive et pour ne pas non plus totalement sombrer dans le désespoir. Voilà, donc je vais vous laisser écouter cette chanson tchèque au nom de Nadej, ce qui signifie espoir en français. Nadej sur European Roll, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission, vous avez bien raison. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu. En attendant, vous pouvez évidemment nous retrouver sur Instagram et Facebook, mais aussi en podcast sur encore.fm. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Fadjet 94.2.